premier soupir t'a fait rire, ma première dent t'a mise à cran. Mes premiers pas t'ont mis à plat, mes premiers mots t'ont mis KO. Ma première colle t'a rendu folle, à ma première boum t'a fait boum. Ma première bière t'a mise par terre, nos premiers mots t'ont mis KO. Mon premier choix t'a laissé quoi? Ma première fois t'a donné froid, mon premier boulot t'a eu chaud. Ma première erreur t'a fait peur, à ma première chute t'a dit zut. Mon premier bébé t'a pleuré, mon deuxième mari t'a dit oui. Mon premier amour t'a rendu amer. La mer et la mer, c'est une drôle d'affaire. Tes premiers mots t'ont mis KO, ta dernière dent t'a mise à cran. À tes premières chutes j'ai dit zut, tes derniers pas m'ont mise à plat. Ton premier délire m'a fait fuir, tes derniers mots m'ont mise KO. Ta mise en bière m'a mise par terre, l'amour d'une mère, quelle drôle d'affaire. Mon premier amour t'a rendu amer. La mer et la mer, c'est une drôle d'affaire. Mon premier amour. Drôle d'affaire.